Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en... Le Blues Café se délocalise ce soir à l'occasion du Salaise Blues Festival qui se tiendra ici, dans cette salle, dans quelques jours, Francis. Et oui, mon ami Cédric, et nous attendions une occasion pour revoir Virginie, alias Nini Soul, qui nous avait charmé, souviens-toi, Cédric, dans le Blues Café en 2020. Nini Soul a bien grandi, si, elle a grandi depuis et elle est devenue Shiny. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Shiny. Shiny qui sort tout juste d'une longue résidence artistique proposée par l'association Travail et Culture, TEC pour les intimes, qui organise le Salaise Blues Festival. Et ce soir, Shiny va nous présenter en avant-première le travail issu de cette résidence, ce qu'elle fera également en ouverture du Festival de Salaise le 1er avril prochain. Voici donc Charlie au saxophone et au chant. Il y a Sébastien à la batterie. Et Nini Soul au chant et à la guitare. Ladies and gentlemen, Shiny. Le Blues Café, l'émission concert en public. Le meilleur de la scène blues. Shiny, oh, shiny. Bonsoir, merci. Since I met my girl, my queen, she's everything I need. A place I'd rather be, 'cause I believe in me, believe in you and me. I'm still haunted by the ghost of my past. I'd like to step from that to get away as fast as possible. I won't lose it all. I need to dig my soul. Clearly I'm not steady, I'm so sorry. Such a dizzy situation, I had that sensation. It's too tight, I'm tied to fight. But what if I let you go? Won't you forget me so? It seems that since I've got things to say, oh, you're in trouble, like stuck in the middle. I must confess I'm gonna miss you, but I'm a mess so I can't kiss you anymore. I got out of the door. Oh, can't you see I'm kind of lost when it comes to love? 'Cause it's about you. Can't you see I'm kind of lost when it comes to love? 'Cause it's about you. I don't need proof, I can easily say it's you. The way we've blown each other's mind was a freaking clue. I can get why you run away, and I blame myself for every day. I stayed 'cause I was afraid to lose you while I lost myself. Since then I've denied it, but there's nothing I want more. Fighting every part of me to slam that door. Yet I caught you gently whispering to my soul. As I walked on ashes, I could barely hear your call. Oh, can't you see I'm kind of lost when it comes to love? 'Cause it's about you. I can't get you, can't stand what you remember. You say it's safe, but how can I surrender? Oh, I'm willing to give it a try. It's gonna be alright, can you see the light? I'm gonna take that gift and pack it up for life. Oh, can't you see? Love, if it's without you. Oh, can't you see we're kind of lost when it comes to love? If it's without you. If it's without you. If it's without you. Vous écoutez bien le Blues Merci. Café Live. Nous sommes ce soir. Merci beaucoup. En direct du Sales Blues Festival avec le groupe Shiny. Bonsoir. Bonsoir. Dites donc, il s'en passe des choses chez vous depuis quelques mois, parce qu'il y a eu ce long, très long voyage au Mexique, dont on a déjà parlé ailleurs, et au retour, finalement, plein de projets qui nourrissent votre agenda. Hein. Quelle aventure tout de même, comment vous vivez ça? On vit ça plutôt très très très très bien, parce que Shiny c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur, dans le sens où il est porteur de beaucoup d'énergie, de positivité, d'optimisme, de lumière, d'amour, vraiment de choses qu'on a envie de transmettre et de partager, de briller un maximum. Parce que je pense qu'on a toujours besoin, quel qu'en soit. Non, en ce moment, pas forcément beaucoup. Voilà, donc on peut dire que ça tombe vraiment à pic parce que ça nous permet d'avoir des outils extraordinaires pour pouvoir faire ça correctement dans des conditions merveilleuses. On va resituer un peu le contexte de cette soirée qui est exceptionnelle pour vous comme pour nous. Vous avez été choisi par l'équipe du Sales Blues Festival et l'équipe de travail et culture et nous, hein, il faut quand même bien le dire, comme formation émergente pour bénéficier d'une résidence artistique. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que c'est cette histoire de résidence artistique? Alors, c'est une situation qui nous permet de développer notre projet et on a beaucoup, beaucoup de chance d'être là. On est super content de pouvoir être à cette place. Donc, la résidence consiste à travailler notre projet, à être accompagné de toute une équipe, que ce soit en lumière, en son et bien d'autres choses encore, pour mener notre projet à terme, en tout cas, parce qu'on arrive à un résultat qui soit vraiment agréable à voir et à écouter au maximum. Pour le professionnaliser, c'est un petit peu ça aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Il faut savoir que ça s'est fait en deux temps, cette résidence. Il y a eu une semaine au All Blues Club à Pélussin, et puis une semaine, cette semaine-là, ici, à PH du Roussillon, pour le Sales Blues Festival, au terme de laquelle, on bavarde un peu ensemble. Tu as déjà dit, Charlie, que c'était assez intéressant, mais comment ça s'est fait concrètement? Il y a eu des projets qui ont été découpés, hein. Il y a eu un aspect artistique, peut-être un aspect scénique, un travail de répertoire, puisque vous allez jouer aussi dans le Sales Blues Festival. Comment ça s'est organisé, tout ça? Voilà, alors on est arrivé en fait avec un répertoire de 11 titres. On avait besoin, ce répertoire-là, de le mettre en forme correctement avec nos musiciens. Donc on a un batteur et un bassiste supplémentaire à notre duo. Donc déjà ça, il a fallu qu'on le travaille. Et la première résidence nous a permis d'appréhender déjà un premier travail avec notre batteur Sébastien Eka. Et on a vraiment tourné autour de la structure des morceaux, autour de la pertinence des textes, etc. On a vraiment mis en place le répertoire, on l'a mis en forme. Et pour la seconde résidence, on était plus sur un travail technique où là, on a beaucoup mis en place le son, par exemple, avec Raphaël qui nous a grandement aidé juste là. Merci, Raph. On a également pu tous s'appréhender, parce que notre bassiste était là, Nice Bamed, pour pouvoir trouver notre emplacement scénique, pour pouvoir faire des arrangements, mais des arrangements qui étaient plus de la finalisation plutôt que de la construction de répertoire. Donc voilà, sur les deux résidences, ce qu'on a eu à faire à chaque fois était assez différent tout de même. Avec, on le redit, puisque les gens qui nous écoutent ne le savent pas forcément, mais vous avez travaillé dans la salle dans laquelle on se produit, vous produisez ce soir, et vous allez faire l'ouverture du Sales Blues Festival le 1er avril, en ouverture notamment de Thorbjørn Risager, qui est un artiste qu'on aime beaucoup, Francis et moi. Donc c'était aussi l'intérêt, c'est de travailler dans la salle dans laquelle vous allez vous produire. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Donc ça nous permet aussi d'avoir un grand confort, parce qu'on va savoir exactement quel son on va avoir, on va être à l'aise, hein, on va pas se mentir, quand on arrive dans un lieu pour la première fois et qu'on doit jouer dans 3 heures, c'est pas la même chose que quand on a pu passer une semaine. On connaîtra quelques personnes de l'équipe, enfin ce sera beaucoup plus agréable. Et le moindre coin et recoin de la scène. Et, oui, c'est ça. Oui, on a visité. Alors vous l'avez dit, Shiny c'était d'abord un duo et cette résidence vous a permis de passer en quartet. Alors ce soir vous êtes un quartet à trois, c'est une formule un peu spéciale. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement les autres musiciens, comment vous les avez rencontrés, intégrés dans la formation et comment est-ce que vous avez vu cette évolution de deux? Vous êtes quand même un duo assez fusionnel, hein. On peut quand même, je crois, le dire sans révéler un secret, d'avoir comme ça deux musiciens extérieurs intégrer une formation. Comment ça se passe? Ça s'est fait naturellement, oui et non, pas que, parce qu'on a, aussi tenu à bosser avec les musiciens avec qui on est. Et c'est un bonheur de les avoir avec eux, parce qu'effectivement, on passe de notre duo qui était acoustique, qu'on a fait évoluer dans ce sens-là, à un quartet qui nous permet de pouvoir monter sur une scène comme le Sales Blues Festival. Et en fait, on est vraiment ravis de voir la direction que prend notre musique en travaillant avec eux, parce que non seulement on étoffe notre jeu, mais on a même appris très rapidement à travailler ensemble pour prendre des directions qu'on n'avait même pas imaginées au début. Donc c'est un un vrai bonheur vraiment de pouvoir les avoir avec nous. Alors parlons un petit peu de votre musique, difficile de la cerner parce que c'est un mélange de beaucoup de choses, de votre vie, de votre expérience évidemment aussi. Alors évidemment, nous qui sommes habitués à écouter beaucoup de musique, on a décelé quand même pas mal de soul, du jazz aussi. Alors là, sur les deux titres, pas forcément, mais il y a parfois des références un peu latino, c'est normal, vous avez passé plusieurs mois au Mexique. Comment vous pourriez la définir justement, cette palette musicale? Je pense que si on devait vraiment lui mettre une étiquette, la rentrer dans une case, on parlerait de soul. Mais c'est vrai qu'on est influencés tous les deux de manière différente. Moi, sur mon jeu guitare, je suis plutôt orienté vers le reggae, plutôt sur des harmonies blues dans ma voix et dans mon jeu sax. Nini, elle est plutôt inspirée gospel à la voix, ouais, soul, new soul, des accords plutôt jazzy au niveau de la guitare. On a notre batteur Sébastien Neka qui est lui très influencé par le jazz à la base, mais qui est ouvert à tout, beaucoup de styles de musique et qui est absolument extraordinaire. Et Anis, notre bassiste, lui, qui est... comment tu définirais Anis? Anis, il a une énorme maîtrise de la musique traditionnelle africaine pour moi. Rythmiquement, il a une richesse extraordinaire. Il a exploré un million de musiques différentes. Sur cette base-là, il est arrivé à tout mettre ensemble, à faire une espèce de un style un peu world, mais qui lui appartient totalement. Il a vraiment une identité qui lui est propre. Voilà, c'est comme ça que je peux mieux le définir, je pense, Anis. On va inviter dans quelques secondes Philippe du Travail et Culture. Quand on a eu cette idée de faire une résidence artistique, de création artistique, on a constaté que c'était quelque chose qui était assez peu courant dans le blues, la soul et tout. Et finalement, avec Philippe, on s'est posé cette question. Est-ce qu'on peut encore créer dans le blues, la soul? Est-ce que tout n'a pas déjà été un peu fait? Je pense qu'on peut renouveler des choses. Je ne pense pas qu'on puisse inventer ce qui existe déjà, mais je pense qu'on peut s'en inspirer et puis prendre ces choses-là et les mettre ensemble et faire quelque chose qui nous est propre. Je pense que dans la création et dans tout ce qui est travail de composition, etc., ça va être vraiment inhérent à ce qui touche l'humain, l'individu, dans chaque style desquels il est influencé. Et puis, pour ma part, je vais essayer de restituer ce que ces styles me font vibrer pour pouvoir en faire quelque chose qui corresponde le plus à qui je suis. Et je pense que si ça, on peut l'appeler création, alors oui, on peut sans cesse renouveler des choses, même si on prend des petites choses qui existent déjà. Philippe, de Travail et Culture. Philippe Briot, bonsoir Philippe. Bon, bonsoir. Alors, on a dit tech tout à l'heure en parlant d'une association. Oui, déjà, il faut peut-être remettre les choses en place. Hein. Si, ça a été une association jusqu'en 2013 qui avait été créée en 83, 2013 et ensuite un établissement public de coopération culturelle. Alors on le disait, c'est l'enchaînement avec la question qu'on vient de poser à Shiny, des résidences, vous en faites beaucoup, beaucoup dans le domaine de la danse, du théâtre, mais il semble que ce soit un peu une des premières fois en musique, surtout dans ce style de musique-là. Ça... Pour le blues, pour le Sales Blues Festival, oui, effectivement, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on a proposé à des jeunes artistes à travailler sur l'émergence. Ben, c'est venu d'une discussion l'année dernière quand on a maintenu le festival sans public, mais en streaming. Dans nos discussions, ben, j'ai posé la question de savoir, mais moi j'ai l'impression qu'en blues il n'y a pas de création, il n'y a pas la question aussi du jeune public qu'on peut rencontrer au niveau du spectacle vivant. Comment ça se fait? Est-ce qu'en blues il y a toujours une création? Alors il y a un musicien que je connais très bien qui m'a dit, mais de toute façon en blues il n'y a pas de création, c'est que de la reprise, voilà, ou de l'adaptation. Donc voilà, et de là est venu ce projet de dire, on va travailler, on va proposer à de jeunes artistes blues, de les aider, de les accompagner. Alors, j'espère que tu n'as pas été déçu du résultat déjà. Non, c'est peut-être aussi la preuve que finalement il peut y avoir aussi un peu de création. Alors d'abord, le blues, il faut dire, c'est surtout une émotion. Oui. Sur le plan musical. Ensuite, je crois que Virginie et Charlie viennent de le dire et de l'exprimer à partir de leur vécu, à partir de leurs influences, ils ont su faire apparemment, on les entendra lors du festival, un melting pot, une création finalement de musicale. Tu n'as pas cette impression, Philippe ? Si, mais là, ce sont les premiers morceaux que j'entends de leur travail. Moi, je fais toujours attention, parce que voilà, c'est une prise de risque en tant que programmateur. Donc, je stresse et je préfère découvrir le soir du concert. Mais ce que j'ai écouté là, ces deux morceaux, oui, ça correspond à ce que je projetais, cette rencontre au niveau voix, au niveau musique, ses influences, parce que c'est aussi une prise de risque par rapport à la programmation, qui n'est pas... Voilà. Merci Philippe, on va justement écouter encore Shiny sur scène. Vous êtes bien dans le Blues Café, nous sommes ici en direct du Salles Blues Festival qui aura lieu les vendredis 1er avril et samedi 2 avril avec une très très belle programmation. Il y aura bien sûr Shiny, il y aura Will Barber, Thorbjørn Risager, Kurt Fletcher, Devil Joe and the Backdoor Man, mais on aura l'occasion d'en reparler durant cette émission. Place au live, place à Shiny sous les applaudissements du public. We'll be right back. Le prochain titre, il est important aussi. C'est un titre que j'ai écrit pour expliquer de quelle manière je vois les gens depuis toujours. C'est quelque chose que j'ai dû d'abord éteindre parce que ça ne correspondait pas. Et puis, au fur et à mesure, j'ai dû réapprivoiser cette manière de voir les humains. Ça s'appelle Love Soldier. Thank you. efficacité. Shiny. Merci beaucoup. Le Blues Café se délocalise ce soir au Salès Blues Festival. Et je crois que nous sommes peut-être dans l'un des plus anciens festivals de blues de France. C'est un festival qui a une grande, grande histoire. Et nous allons justement en parler, Francis, avec Michel, qui est élu à la culture à Salès-sur-Sanne. Oui, c'est ça. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Donc, chargé de la culture, en effet, à Salès, ça tombe bien parce que le festival s'appelle Salès Blues Festival. Voilà. C'est le 34e, normalement, cette année. C'est une longue histoire, donc on vient de le dire, on rappelle quand même les dates, je ne sais pas si tu les as données à l'instant. C'est ça, c'est 1er avril et 2 avril. Et ce n'est pas un poisson. Ouais, c'est un festival qui a aussi une dimension territoriale, et ce n'est pas seulement Salès, ça concerne toute l'agglomération, la communauté de communes, non ? Effectivement, enfin, ça a été créé en fait au départ par quand même des Salésiens, Salès. Une petite poignée de Salésiens, donc il y a même plus de 34 ans, parce que là on parle du festival, et le festival c'est 34 ans, mais avant il y a eu les nuits du blues, il y a eu tout un tas de petites choses qui se sont faites avant, quoi. Ah oui, donc on arrive bien à 40 ans finalement. Oui, voilà, au final on arrive à 40 ans. Alors ouais. Pourquoi le blues à Salès justement ? C'était une petite poignée de Salésiens de l'époque qui adoraient cette musique et qui ont dit il faut qu'on la partage avec les autres, qu'on la fasse connaître. Et donc, c'est eux qui ont été à l'initiative de ça et qui ont dit, allez, on se lance, quoi. Alors, le festival aura lieu les 1er et 2 avril prochain. J'imagine que vous attendez ce retour du live avec beaucoup d'impatience. On rappelle que l'an dernier, malgré la pandémie de Covid, vous aviez tenu à maintenir le festival et vous aviez organisé une édition en streaming. Voilà. C'était une expérience. C'était une expérience. Et puis en plus, en 2020, on n'avait pas pu le faire puisqu'il y avait eu la pandémie. Et du coup, là, on n'avait rien pu organiser du tout, quoi. Donc 2021, c'était important pour nous, effectivement, de maintenir ce festival dans des conditions différentes. Effectivement, et donc ça a été en streaming, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. C'était aussi la manière de Salès aussi de soutenir en fait les artistes, parce que les artistes, ils ont aussi besoin de travailler. Et donc du coup, ils ont travaillé, ils n'avaient pas de spectateurs devant eux, mais ils ont travaillé quand même, quoi. Oui, c'était une expérience étonnante pour eux d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas toujours cette habitude de jouer. Voilà, pour certains c'est plus compliqué. Voilà. C'est pas simple. Hein. Voilà, certains, c'est plus compliqué, notamment pour, je pense à l'artiste qui fait le concert pour les jeunes enfants gratuit le mercredi. C'est vrai qu'il a fallu se produire sans enfants et tout ça, donc l'ambiance n'est pas la même. Et du coup, c'est plus compliqué. Mais on avait maintenu quand même tout ça parce que voilà, on voulait les aider. Justement, là, tu es en train de parler justement de spectacle pour les enfants, parce que le festival, c'est pas seulement deux jours avec les concerts. Il y a d'autres choses. On aura l'occasion tout à l'heure de parler des stages avec deux musiciens qui s'en occupent. Mais il y a justement, tu viens d'en parler un peu, le jeune public aussi, hein, je crois, c'est ça ? Oui, voilà. Le mercredi avant le festival, il y a un concert jeune public. Alors là, Philippe qui est à côté de moi, il en parlera bien plus que moi, mais effectivement, on souhaite aussi pouvoir permettre aux jeunes aussi de connaître cette musique qui fait pas forcément partie de leur actualité et tout ça, quoi. Mais c'est intéressant de leur faire connaître ça, et donc on propose un concert gratuit à tous les jeunes, quoi. Et donc c'est le mercredi, alors j'allais dire c'est le mercredi à Salès au foyer Laurent Bouvier, mais cette année effectivement, comme vous pouvez le voir, on n'est pas au foyer Laurent Bouvier, puisqu'on est à la salle Baptiste du Feu du péage de Roussillon pour tout le festival. Mais le festival, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est effectivement cette première résidence de blues qui se fait cette année. C'est génial. Et d'ailleurs, j'ai adoré. Et puis, donc, effectivement, il y a le concert jeune public du mercredi qui va se faire aussi ici. Donc, c'est pour tous les scolaires, mais aussi tous les enfants du territoire qui souhaitent venir. C'est gratuit. Venez découvrir. Et puis, le festival, le 1er et 2 avril. Merci, Michel. Merci beaucoup, Michel. On va parler justement de la programmation. Et on va parler avec Philippe de cette programmation. Bravo, en tout cas, bravo. Merci de nous accueillir et bravo pour ce très très beau festival. Philippe, on va rentrer dans le dur de la programmation. Effectivement, on en a dit deux mots tout à l'heure. Donc le festival, c'est deux grosses soirées blues. D'abord le vendredi 1er avril. Allons-y, Shiny. Donc voilà, qu'on a là ce soir. C'est très important, la barre est haute. Là, ils font l'ouverture du festival. Ensuite, Will Barber. Will Barber, il faut préciser que c'est un one man band qui joue tout seul. Oui. Un blues proche des racines, tout de même, avec son style. Ce qui n'est pas le cas de Thorbjørn Risager, qui lui ne joue pas tout seul. Non, ils sont sept. Ils sont sept avec une section cuivre. Oui. Voilà. Ce sont des Danois. Oui. Et il joue un rhythm and blues, matinée de soul et de blues, qui est vraiment excellent. Il a une voix absolument fabuleuse. Nous, on est très, très fans de cette formation. Les spectateurs de la Blues Party s'en souviennent, puisqu'on l'avait accueilli il y a quelques années. C'était un des très, très grands souvenirs de la Blues Party. La seconde journée, c'est le 2 avril. Bah, je vous laisse la présenter, parce que vous les connaissez mieux que moi. Non, je voudrais juste dire, par rapport à Will Barber, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'arrive toujours à glisser un artiste seul sur scène. Oui, l'année dernière, Kepa, j'aime bien. J'aime bien quand un artiste se retrouve seul sur scène face à des centaines de personnes. Et, il y avait eu l'excellent Sébastopol aussi. Sébastopol, oui, et qu'on va retrouver pour justement le concert Jeune Public, donc le samedi. Alors, avant d'aborder cette programmation du samedi, moi, je notais justement, est-ce le hasard, tu vas nous le dire, que les six groupes qui seront là, si j'intègre les Blues on Stage, c'est vraiment six styles différents pratiquement. Alors je ne sais pas si ça a été choisi, voulu, d'offrir une palette assez diversifiée et variée de ce qui existe actuellement en blues, mais on a de la soul, on a du blues, on a du rhythm and blues, on a un peu du blues garage avec Will Barber. Presque du rock avec du rock. Presque du blues rock aussi avec Devil Joe. Est-ce que c'est volontaire tout ça? Oui. C'est volontaire. Non, c'est dans ma façon de travailler de manière générale au niveau de la programmation. C'est d'amener les gens vers un son qu'ils ne vont pas forcément aller voir, du moins entendre. C'est de l'ordre de la rencontre. J'aime bien les contre-pieds, j'aime bien comment, à partir du blues, on peut travailler un plateau artistique, comment on peut travailler une programmation et amener ces gens qui, on va dire, là par exemple, Shiny, pour eux, on va dire, faire l'ouverture du festival, c'est très important, il y a un enjeu, mais pour moi aussi, il y a un enjeu, c'est comment va réagir le public, un public blues traditionnel, par rapport à une proposition comme Shiny. Voilà, donc c'est comment ce type de public qui est habitué, on va dire, qui est quelque part formaté, on peut l'amener à rencontrer une voix, un son qui voilà. Et ben, ça sera aussi un peu la même chose pour la seconde soirée, puisqu'on n'en a pas encore parlé, juste un mot. Blues and Shell, on va demander à Alain Védèche qui est parmi nous de venir nous rejoindre pour en parler, puisque c'est l'un des deux animateurs de ces... On parle de Blues on Stage, mais c'est les stages de blues. Stages de blues, animateurs, musiciens. Alors avant, on va dire que les deux autres groupes, c'est, tu viens de le dire, Cédric, Devil Joe and the Backdoor Man, qui est quand même un blues rock. Stéphanois. Et en finale, l'immense Kirk Fletcher, qui est un Américain et qui représente actuellement la scène blues moderne. Mm. Il y a du Chicago blues dans son style, bien sûr, mais il est entouré aussi d'une excellente formation derrière lui et c'est vraiment un sacré personnage. Ça, on va se régaler avec Kirk Fletcher. J'espère. Ça a lieu les 1er avril et 2 avril. C'est ici, j'allais dire, à Salaise-sur-Sane. C'est le Salaise Blues Festival, mais qui a lieu au PH de Roussillon. Alors, pour les gens qui nous écoutent, puisqu'on nous écoute dans le monde entier, le PH de Roussillon, c'est dans l'Isère. On va dire que c'est entre Valence et Lyon. Alain Védèche, donc Alain. On va parler des stages. C'est un musicien de blues, Alain, de blues avec son frère. Vous êtes deux, la plupart du temps, Alain et Gérard Védèche. Dupont et Dupont, l'un va rarement sans l'autre. Et vous avez été chargé d'organiser des stages. Alors, qu'est-ce que c'est que ces stages? On a deux niveaux de stages, en fait. Ça a commencé, ça a été très progressif depuis le temps. C'est quand même, je crois, la 15e année qu'on fait ces stages. Donc, ce sont des stages de voix et de guitare sur deux niveaux. Donc, on a un premier niveau qui nous permet de faire de l'initiation à ce qu'est cette musique, le format de cette musique, le propos de cette musique, et puis un stage de niveau 2 qu'on dédie plus spécifiquement à des styles précis chaque année. Et donc cette année, ce sera le Jump Blues qui sera à l'honneur. Ça va être festif. Un peu. Même un peu dansant. Un peu dansant aussi. Les stagiaires vont faire l'ouverture du festival d'une soirée sur la grande scène. C'est un moment, j'imagine, qui est un peu impressionnant pour eux. C'est un moment très stressant. Ça fait aussi partie du stage, de les préparer justement à se produire sur une scène. C'est plein d'émulation et ça stimule beaucoup, ça amène beaucoup de crainte et en même temps, ça amène beaucoup de bonheur de préparer tout ça, quoi. Donc ouais, le stage est orienté là-dessus et on les prépare, on travaille ensemble avec les deux stages, guitare et voix, et on a des temps d'apprentissage séparés, on a des temps d'apprentissage en commun, et ces temps d'apprentissage en commun, ils nous permettent de préparer l'intervention sur scène la deuxième soirée du festival en ouverture. C'est un rude travail en une semaine. Ça dure une semaine, les stages. Hein, c'est très condensé. Ça dure, en fait, c'est un format de 12 heures de stage. 12 heures de stage avec les rendus. Donc, en fait, c'est très condensé et ça demande une énorme concentration, un énorme travail. Et en même temps, on met ça aussi sur le côté plaisir, parce que ça reste des stages de pratique amateur aussi. Et on essaye de faire un travail construit, sérieux et plaisir aussi, quoi. Alors, tu es là aussi ce soir parce que vous allez faire un titre avec Shiny, voire un peu plus qu'un titre d'ailleurs, parce que je vous ai entendu tout à l'heure répéter quelques morceaux. Tiens, justement, la même question qu'on posait tout à l'heure, le blues et création, ça évoque quoi pour toi ? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui créer dans le blues, ou est-ce qu'on redit finalement ce qui a été déjà inventé par d'autres ? Non, je crois qu'on redit jamais, quoi. Le blues, c'est aussi un langage. Et le langage, ça se renouvelle et ça s'enrichit. Et je crois qu'on peut toujours apporter quelque chose. Quand on est sur des répertoires de blues, on est sur du standard, mais on est aussi dans la création, parce qu'en fait, si on connaît un peu cette musique, qu'on se penche un peu sur cette musique, on se rend compte qu'un standard peut avoir été joué pendant 30 ans et par 15 artistes différents, et c'est jamais la même chose. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une part de différence de langage propre à chacun. C'est un petit peu ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est comment chacun s'approprie les morceaux avec son propre langage, comment il l'a fait évoluer en fonction de ses influences et ce qu'il y apporte, quoi. Donc effectivement, moi je pense qu'il peut y avoir aussi de la création. Merci Alain, merci Philippe. Merci Alain, à vous. On te retrouvera juste après les deux titres de Shiny, pour justement que tu nous reparles un petit peu de cette fusion qui s'est créée avec eux. Je crois que Shiny attend sagement sur la scène du Blues Café dans la salle Baptiste du Feu à Péage de Roussillon et dans le cadre du Salès Blues Festival. Êtes-vous prêts pour deux autres titres ? I'm gonna stand with you, round it as a crew. Oh, I know I can fall again, but I won't wait in the pain, 'cause I'm gonna stand with you, round it as a crew. Oh, I know I can fall again, but I va se rapprocher un petit peu pour le prochain titre qui s'appelle Closer. Honey, it's still very dark out there, and I know that you don't really care, but to me it seems very unfair, darling. It's still very cold out there, and you better be back really, really fast. So baby, come closer, closer to me. Oh, C'était le groupe Shiny. Ils étaient nos invités ce soir, ici, en direct du Salles Blues Festival. Nous sommes en direct de cette salle Baptiste Dufeu, au péage de Roussillon, où aura lieu dans quelques jours le festival de blues de Salles-sur-Sanne. On est sous le charme, on peut vous dire. Mais je crois que le public aussi, non? Ah, super. Merci beaucoup. Shiny, c'est presque la première fois que vous jouez ces morceaux-là, en fait, du coup, puisque vous les avez travaillés pendant la résidence. Nous, on a quand même filouté un peu. Donc, Shiny est un duo à l'origine. Donc, quand on a nos dates à l'extérieur, on en profite quand même pour roder un petit peu nos compos. On les glisse entre deux reprises. On se dit, on va voir comment ça réagit, tout ça. Donc, on a pu, nous, en tant qu'entité duo, les tester pour se dire, OK, on fonce, on propose ça sur le répertoire Shiny Band, et puis on les travaille, on voit ce que ça donne. Mais là, avec nos musiciens, et puis arrangés de cette manière, effectivement, on est vraiment sur des premières fois. Et ça fait quoi, du coup? Parce que vous avez bossé pendant 15 jours, là, pour vous produire ce soir, pour vous produire le... Ah, ça y est, vous y êtes, là. Non, alors ça fait du bien, déjà. On se dit, tenez, prenez-le maintenant, c'est à vous. Ça nous fait grand, grand bien. Moi, ça me fait grand bien. Et ça sera à nous tous lorsque vous jouerez pour le festival. Et ce sera encore mieux. Ce sera vraiment encore mieux. C'est très, très bientôt. Oui, oui. Alors, c'est quoi maintenant les prochaines étapes pour vous, justement? Alors, les prochaines étapes, déjà, c'est d'avoir notre bassiste avec nous. non, les projets, mais pour cette année, effectivement, c'est d'enregistrer. Essayer d'enregistrer un maximum. L'idée, c'est d'essayer de faire un EP. On en discute beaucoup en ce moment. Et puis, peut-être un clip, si on arrive à glisser ça dans l'année qui arrive. Ouais. Alors, nous allons conclure cette émission avec un dernier morceau. On a eu tout à l'heure Alain Védèche et son frère Gérard, qui est juste à côté. Vous avez construit quelque chose en sort. Alors, Alain, tu peux peut-être nous expliquer comment ça s'est passé, cette fusion, parce que vous êtes dans deux styles un peu différents, quand même. Oui, on se rejoint sur une humeur commune, on va dire. Et je pense qu'il y a du blues dans leur musique. Hein, donc voilà. Et il y a de la soul dans la tienne. Il y a de la soul un peu dans la nôtre aussi. Donc voilà, on se retrouve. Non, c'est voilà, on fait tous de la musique qui vient du même endroit, quoi. Donc c'est. Alors qu'est-ce que vous avez choisi en fait pour terminer cette émission ensemble? Mais on sait qu'après il y aura un mini-concert où vous jouerez encore ensemble, mais pour ce titre... Quelques titres qui sont plutôt des standards. Et là, sur le dernier, bah, c'est, je vais essayer de me greffer sur leur duo de talents sur un titre de Solomon Burke qui s'appelle Cry to Me. Merci à vous, merci à tous. Bravo, on vous laisse rejoindre la scène du Blues Café sous les applaudissements du public. Se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public 100% blues. C'était ce soir le Blues Café Live exceptionnel du groupe Shiny. Ouais. J'ai envie de dire Shiny Happy People parce que vous avez rendu les gens heureux ce soir. On remercie grandement Graf qui était à la technique. On remercie Jocelyn également. On remercie Laure et Philippe. Du tech, voilà. Et merci aussi à Monsieur le maire de PH de Roussillon pour cette belle salle. Merci aussi à toute l'équipe, Michel et toute l'équipe du Salaise Blues Festival de la commune de Salaise. Et puis merci à vous, public bien-aimé. On se retrouve sur notre site, le www.bluesactu.com, pour écouter cette émission. Et également merci à François, et on ne l'a pas beaucoup cité pendant cette émission, mais grâce à François Rosenciel, notre vidéaste adoré, vous allez pouvoir revivre l'intégralité de cette résidence artistique et de cette aventure Shiny au Salles Blues Festival. Ça sera à découvrir dans quelques jours sur nos chaînes YouTube respectives. Place au live avec Shiny featuring The Védèche Brothers. Leaves you all alone, and nobody calls you on the phone. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? here I am, my honey. Come on and try to me. When you're all alone in a lonely room, there is nothing but the smell of sweet perfume. So don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Come on, cry to me. Oh, oh, nothing could be sadder than a glass of wine alone. Loneliness, loneliness is such a waste of time. You don't ever have to walk alone, you see. Come on and take my hand, take baby. My hand. Walk with me. Come on and walk with me. When you're waiting for revolver walls to come in the night, but it's no one. Don't you feel like don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel